des acres de peau. Je me réveille parmi des acres de peau. J'ouvre des paupières enflées, blottis au creux d'un empêtrement de chair, avec la tiédeur du lit, le souffle humide des bêtes de trait. Partout des rondeurs, correctes, des côtes saillantes, une sélection de corps similaires, adéquats, bras et jambes s'entrecroisent en pêle-mêle, ponctués par des seins fermes et symétriques. J'arrive pas à distinguer lesquels sont acquis et ça n'a pas d'importance. L'intercom sonne sans cesse, m'extirpant peu à peu de l'emprise du sommeil induit chimiquement. Il me laissera pas tranquille. Et merde! Ma plainte est à peine audible lorsque je m'extirpe et commence à émerger tel un nouveau-né, nu comme un ver, à quatre pattes sur l'enchevêtrement humain. La torpeur a réduit la masse difforme à un stade comateux, les effluves de drogue s'évaporant dans l'éther au même rythme que la sueur sur la peau. Je balance mon poids d'un pied à une main, m'enfonçant dans chaque petite caverne, essayant tant bien que mal de pas foutre le genou dans la gueule de quelqu'un. J'échoue. Une sorte de grognement immonde surgit sous moi. Je bredouille des excuses, mais je suis pas désolé. Après des kilomètres de fesses, je finis par rouler en bas du lit et me redresse péniblement, assourdi par la sonnette de l'intercom. D'un seul regard, toute la suite m'apparaît, vertigineusement. Le tapis parsemé de strings en dentelle, jetons de crédit et gouttelettes de sang séché. Sur ma table de chevet, j'aperçois la bouteille de scotch single malt, le lubrifiant et les seringues. Je titube comme un ivrogne et me vautre sur l'intercom, réprimant une envie soudaine de vomir. Immédiatement, la voix professionnelle de Katia émerge. « Bill !» s'empresse-t-elle. Son ton est clair et concis comme à l'habitude, mais un sentiment d'urgence trahit son élocution. C'est dans la façon qu'elle traîne le « L » de mon nom. « Débarrasse-toi de ces putes !» je lui ordonne. Katia hésite, ce qui est rare. « Bien sûr, Bill !» acquiesce-t-elle enfin. « C'est juste que... »« Maintenant, tu comprends ?» Je lui raccroche au nez. D'un même geste, je m'élance vers la salle de bain, verrouille la porte. Des lumières chaudes m'accueillent, doublées des parfums salvateurs de menthe et de chlorine. J'ai besoin que l'endroit soit propre, impec, virginal. Je m'enfuis dans la douche verticale. Referme cette porte aussi. Le senseur biométrique me reconnaît et le pommeau argenté éjecte un jet d'eau cristalline à parfaite température. Les gouttelettes filent le long de mes muscles, les cicatrices à peine visibles à l'œil nu. Le filet m'enrobe, m'engourdit, me réchauffe. Sain et sauf. Mais je comprends pas. Toutes ces filles chaudes, juste pour moi. Cette collection de peau tendue sur mon lit de soie. Le passage des heures intoxiquées. Mille et un plaisirs, mille et un supplices. Une fresque d'orgasme et de sang qui n'attendait que l'artiste en moi s'éveille, se réalise, jouisse et passe à autre chose. Mais non, je pensais qu'à elle. Lancia. Ses yeux de glace semblaient mes pieds depuis les abords de l'orgie et me jugeaient, comme elle jugeait ce pauvre con au Lilith Club. L'image m'obsédait. Elle semblait dire que je perdais mon temps à baiser ces déchets humains, que les putes des plus grands hôtels du monde entier ne pourraient jamais rivaliser avec sa peau d'ivoire, ses lèvres fusinées, la sensualité irréelle de sa cruauté. Juste d'y penser me voilà dur comme fer. Bill, résonne soudainement la voix de Katia. Je suis vraiment désolée. Je sursaute, me rappelle qu'il y a aussi un intercom dans la salle de bain. Ça va? Je crie à travers la douche. J'arrive, merde! Je me précipite hors de la douche, enfile une serviette autour de la taille et me catapulte en dehors de la salle de bain, encore ruisselant d'eau. Mes mains tremblent. Je vois rouge. Quiconque ose me déranger comme ça mérite d'être écorché vif. L'odeur rance qui règne dans la chambre s'insinue dans mes narines. J'avais aucune idée que c'était si dégueulasse. Je grimace. Mais la scène est si cocasse que mon humeur s'allège aussitôt. Ma secrétaire est en train de chasser les putes comme des chats errants. Ces dernières titubent en talons hauts, étourdies une à une en dehors de la place où les attend probablement un chèque de paye et un cordon de sécurité. Une des escortes essaie de filer en douce avec un gars de michet en or massif. Toujours vigilante, Katia l'interpelle à temps et lui arrache des mains. Ordonne la femme de foutre le camp de là. Katia se retourne vers moi, le phallus doré en main. Elle me dit le plus naturellement du monde. « Je m'excuse, ça ne pouvait pas attendre. »« Bien, je suis réveillée maintenant, non? » Mon érection est protubérante à travers la serviette. Je m'en fiche. Je suis plutôt fière. « La première ministre est ici. » annonce Katia. Je plaisante, c'est trop tentant. La première ministre de quoi? Katia hausse un sourcil, n'ose pas commenter. Elle exige de te rencontrer, insiste-t-elle. Prétexte que tu ne retournes pas ses appels. Je regarde la dernière pute sortir de la chambre avant de rétorquer. Mon agenda est chargé. Bill! Fait Katia en haussant le ton. La PM fait toutes sortes de menaces. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle est vraiment furieuse.